Extrait du communiqué inaugural réservé aux membres d'accréditation zéro, dernière réactualisation annuelle. Nous sommes dans l'archipel les pionniers d'une nouvelle forme de société engendrée par la révolution informationnelle. Cela signifie qu'à moyen terme, d'autres puissances abandonneront leur structure sociale actuelle, qui est une survivance d'une autre ère, et qu'à long terme, toutes les puissances sont destinées à adopter un modèle dont la mondialisation s'impose comme une nécessité historique. Il y a eu dans l'histoire humaine une seule révolution comparable à celle que nous avons expérimentée, c'est celle qui a transformé la société féodale, où le pouvoir était axé sur la possession des terres, en une société marchande, où le pouvoir s'est associé à la possession de l'argent. Les quelques siècles qui nous séparent de cette révolution ont été le théâtre d'une progression exponentielle du pouvoir financier. Aujourd'hui, en archipel, l'argent ne circule plus, et si l'État continuait à en brasser, ce n'est qu'une concession faite aux réalités extérieures. Le pouvoir s'est allié à la maîtrise et à la détention de l'information, qui sont les seules valeurs d'échange reconnues aujourd'hui dans les interactions sociales. Tout a commencé par le développement du réseau virtuel mondial, qui a ouvert la première brèche en permettant un échange non monétarisé et donc non contrôlé par les instances économiques de toutes sortes de biens virtuels, dont l'inexistence matérielle a donné lieu à une nouvelle forme de diffusion instantanée, gratuite et transnationale. Tout un secteur d'activité a donc échappé aux lois que l'on croyait jusqu'alors inviolables du marché. Des résultats de recherche scientifique, des programmes d'exploitation informatique, des banques de données réalisées à diverses fins par différentes personnes physiques ou morales, des dossiers juridiques, se sont mis à circuler en dehors de toute pression politico-financière, créant un espace décapitalisé, délégalisé, déhiérarchisé et donc puissamment subversif. Tous les empires financiers, fondés sur des secrets industriels, armements et industries pharmaceutiques notamment, menaçaient de s'effondrer. Les bases mêmes des grands groupes informatiques étaient sapées, ainsi que celles des grands groupes de presse et de publicité. Petit à petit, les plus grandes forteresses tombaient, provoquant des séismes monétaires et financiers dont les banques elles-mêmes durent subir de très graves conséquences. Devant un tel préjudice porté aux intérêts capitalistes majeurs, on se mit à paniquer. Un inventeur pouvait, du jour au lendemain, découvrir une nouvelle forme d'énergie moins coûteuse et ruiner les cartels du pétrole. Un révolutionnaire pouvait s'emparer des formules de la bombe nucléaire. Un chimiste pouvait divulguer les formules d'une nouvelle drogue qui mettrait fin à l'hégémonie d'un certain nombre de mafias. Bref, la sécurité générale de tous les organes de pouvoir se trouvait en danger. C'est ce qui explique pour partie l'avènement des dictatures. Pour les puissants, la démocratie était supportable tant qu'elle n'était pas réelle, tant que les grands groupes financiers détenaient un pouvoir opaque, international et inentamable, largement au-dessus des lois nationales et des marges de manœuvre des divers contre-pouvoirs. Mais la démocratie n'était plus tenable si elle permettait à quiconque de prendre part au jeu, d'influer sur la concurrence, de déséquilibrer les marchés et d'instituer un risque. L'outil informatique était trop puissant pour être détruit, mais trop puissant aussi pour profiter à tout le monde, dans une société capitaliste fondamentalement inégalitaire. On a donc assisté à un phénomène de réappropriation du pouvoir par ceux qui étaient en train de le perdre. La collusion du capital et de l'ensemble des classes politiques permit une utilisation immédiate des armées, la création quasi générale d'un état d'urgence et la répression rapide des citoyens éparpillés, pris au piège de leur individualisme et très peu préparés à une lutte armée. On détruisit plusieurs milliards d'ordinateurs de par le monde, et le réseau fut soumis à des conditions d'accès drastiques. C'est depuis lors que l'information, centralisée et stoppée dans sa croissance anarchique, a commencé à devenir une monnaie d'échange parallèle à l'argent.